Excellence de Marie et de son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi. Première partie, quatrième traité, Marie considérée dans ses bienfaits. Je me souviens d'avoir promis dans la préface de ce livre de considérer Marie dans ses figures, en Dieu, son auteur, en elle-même, et enfin dans ses bienfaits. J'ai tâché jusqu'ici de satisfaire de mon mieux aux promesses que j'ai faites. Il me reste, pour achever la première partie de cet ouvrage, à considérer Marie dans ses bienfaits. Mais j'avoue que je me repens presque d'avoir pris un pareil engagement. Je suis tenté de mettre entièrement ce dernier traité. En voudriez-vous savoir la raison? Je m'empresse de vous la dire. C'est l'impossibilité où je me trouve de répondre à la dignité du sujet. Est-ce la matière qui manquerait par hasard? Non, assurément, loin de me faire défaut, la matière, que sais-je même tout le loisir de la développer, n'est au contraire que trop abondante. Je ne sais par où commencer, ni où mettre les mains. Il faudrait que je prise toute l'histoire ecclésiastique pour la transcrire ici en entier, que je mise sous les yeux du lecteur tous les événements arrivés depuis l'établissement de l'Église, que je montrasse le soin que Dieu n'a cessé de prendre pour la conserver au milieu de tant de tempêtes qui l'ont continuellement agitée, et qu'après chaque article j'ajoutasse ce que vous venez de voir. Mon cher lecteur, c'est un effet de la bienfaisance de Marie. Il faudrait que je parcourusse une à une les vies des saints et des personnages qui ont illustré l'Église, que j'exposasse les grâces singulières que chacun d'eux a reçues de Dieu, les vertus excellentes qu'ils ont pratiquées, les prodiges étonnants qui se sont opérés, les conversions éclatantes de nations et de royaumes entiers. Puis qu'après chaque point j'ajoutasse encore, toutes ces grâces ont été obtenues par les mains de Marie, ses vertus, ses conversions, ses prodiges, sont dues à l'intercession de Marie. Bien plus, je devrais rassembler ici tous les hommes qui ont existé depuis la création du monde et ceux qui existent maintenant. Ensuite demander à chacun en particulier quelles sont les grâces qu'il a reçues de Dieu, et à chaque réponse ajouter « Mon frère, ces faveurs vous ont été accordées par l'intercession de Marie. » Ce n'est pas tout, je devrais interroger jusqu'aux êtres dépourvus de raison, jusqu'aux choses inanimées, et dire à chacun « Pourquoi subsistez-vous encore ? Comment Dieu ?» En punition des crimes abominables qui se commettent parmi les hommes, ne vous a-t-il pas anéanti? Eux plus sincères que les créatures intelligentes me répondraient que s'ils subsistent encore, que si Dieu ne les a pas détruits, c'est que Marie s'est interposée, c'est que Marie a apaisé la colère de Dieu, justement indigné contre la terre, et contre ses habitants. Tandis qu'il était prêt à foudroyer l'univers, l'arc-en-ciel apparut au milieu des nuages de la colère divine, il a porté le Seigneur à se ressouvenir de son pacte et de sa miséricorde, il l'a ému de compassion. Voilà tout ce que j'aurai à faire, car Saint Bernard m'apprend que tous les dons que Dieu fait à l'univers, que toutes les vertus qu'il communique aux créatures, que toutes les grâces qu'il leur départit, passent par les mains de Marie. Et Saint Jérôme me dit que Marie est comme le cou par lequel doivent passer tous les esprits vitaux qui se répandent de la tête dans le reste du corps. De plus, la Sainte Vierge elle-même me rappelle, ce me semble, qu'en elle se trouve toute grâce, Ecclésiastique 24-25. En elle se trouve toute grâce et toute espérance, non pas qu'elle en soit la source première, mais bien le premier canal, comme elle le dit elle-même, Ibidem 24, 41, 42. Je suis sorti du paradis comme le canal qui porte à la terre les eaux salutaires des grâces divines dont je l'ai arrosé et inondé. Mon fleuve s'est étendu comme la mer, il est devenu semblable à la mer elle-même, Ibidem 43. Considérez que je n'ai pas songé à moi seul, mais que j'ai travaillé pour tous ceux qui recherchent la vérité, Ibidem 47. Je devrais donc, pour répondre à la juste attente du pieux lecteur, passer en revue tous les faits que j'ai énumérés. Mais puis-je entreprendre un pareil travail? Pourrais-je y suffire, s'il me venait jamais l'envie de l'entreprendre? Il vaut beaucoup mieux se taire que de parler, quand on ne peut le faire avec la dignité requise. C'est le motif pour lequel ce traité, qui devrait être le plus long, et pour ainsi dire interminable, sera très court. Je me contenterai de mettre en relief quelques traits des plus frappants, quelques bienfaits des plus mémorables accordés, non à quelques personnes en particulier, mais à l'Église universelle. Toute cette matière sera restreinte dans les bornes de trois courts paragraphes. Dans le premier, nous considérerons Marie comme coopératrice de la réparation du genre humain. Dans le second, je montrerai Marie comme propagatrice de la foi et sa protectrice inébranlable contre les assauts que lui livrent les puissances du monde et celles de l'enfer. Enfin, je la considérerai dans le troisième paragraphe sous le titre d'avocate des enfants d'Adam, à l'effet d'apaiser la colère de Dieu irrité contre eux, et de leur obtenir les grâces dont ils n'étaient pas dignes. Markendanarchive.org 2023 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique.